Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'enlèvement d'Éric Peugeot, ou l'histoire d'une série noire. Le 12 avril 1960, en fin d'après-midi, Éric Peugeot, 4 ans, petit-fils du grand patron de l'automobile française du même nom, est kidnappé au golfe de Saint-Cloud, en banlieue parisienne. Contre une coquette rançon, l'enfant sera rendu 48 heures plus tard. Mais il faudra attendre de longs mois et l'arrestation de deux petits malfrats pour connaître le fin mot de l'histoire, l'épilogue de ce qui fut l'un des faits divers les plus retentissants des années 60. Dans la France des débuts de la 5e République, l'affaire en effet fait grand bruit et résonne d'une clameur étrange. D'aussi loin qu'on s'en souvienne, c'est en effet la première fois que le pays assiste à un kidnapping d'enfants. Un crime à l'américaine qui réveille d'étonnants protagonistes, fantômes d'un Paris ivre de jeunesse et d'inconstance, où l'on découvre de belles filles naïves, amoureuses de bras cassés remplis d'ambition, qui montent des coups foireux et, contre toute attente, qui les réussissent. Cette escroquerie à la petite semaine, c'est aussi l'intrusion de la fiction dans le réel. Car c'est en lisant un roman de la collection Série Noire de Gallimard que les ravisseurs ont eu l'idée de monter ce coup incroyable et, répétons-le, inédit. Oui, la lettre de rançon dans l'affaire Éric Peugeot, la vraie lettre, c'est mot pour mot celle qui se trouve en 4e de couverture de Rapt, écrit par l'américain Lionel White. Aujourd'hui, retour à l'envoyeur, en quelque sorte, avec le roman de Bertrand Schaeffer, notre invité. Dans Série Noire, c'est le titre du livre, paru en août 2018 chez POL, il a reconstitué avec minutie le parcours des ravisseurs et réinvesti le territoire du fait divers. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mardi 12 avril 1960. Il est un peu plus de 15h lorsque la grande voiture noire franchit le portail du golfe de Saint-Cloud. C'est un bel après-midi de printemps, un mardi comme on les aime chez les Peugeot. Après la sieste des enfants, Georges, le chauffeur, conduit la famille au country club de cette banlieue chic de Paris et le rituel est immuable. Le patriarche, Jean-Pierre Peugeot sur le green, les enfants au bac à sable. Ça tombe bien, Jean-Philippe 7 ans et Éric 4 ans. Adore les jeux du parc, la pétanque avec des boules en plastique de toutes les couleurs, le toboggan surtout. Ah, le toboggan. Janine, la nourrice, n'est jamais loin, bien sûr. Et puis les copains sont toujours les mêmes. Il y a Thierry, le fils du concierge, et la petite Carole en soquette blanche. 2 heures plus tard, ils y sont encore, les gamins à glisser le long du toboggan. Le soleil disparaît doucement derrière les peupliers. Janine s'assoupit un instant. Et brutalement, elle se réveille à la voix de Jean-Philippe qui lui dit « Un monsieur a pris Éric ». Janine tourne alors la tête vers le jardin désert en tremblant. « Mais quel monsieur ? Où ça ?»« Ben, un monsieur, comme tous les messieurs, » répond l'enfant en montrant le trou dans le grillage, là, dans le fond. Derrière, un petit sentier s'enfonce dans la forêt. Éric a disparu. Georges, chauffeur, court partout, au pied du toboggan, au milieu des pas de sable. Et là, il trouve une enveloppe dactylographiée à l'encre rouge, adressée à Monsieur Roland Peugeot, exceptionnellement urgent. Le père des enfants, Roland donc, l'héritier de l'industrie automobile familiale, est immédiatement prévenu par téléphone. Georges lui lit la lettre. Cher Monsieur Peugeot, voilà ce qu'on pourra lire dans les journaux si vous nous faites marron. Le jeune Peugeot, âgé de 4 ans, est mort après d'horribles tortures parce que ses parents ont refusé d'allonger 50 millions ou alors parce qu'ils ont été trop bavards avec la police. Je ne tiens pas à confier votre petit au bon soin de mon ami Dédé. Oh, c'est un type très bien, mais un peu dingue. Roland Peugeot et sa femme Colette accourent au golfe de Saint-Cloud, la peur au ventre. La police, prévenue bien sûr, est déjà sur place. Le commissaire Pierangeli et ses hommes passent le parc au peigne fin. Rien. Non, rien. Sinon cette brèche, dans le grillage, et quelques rares témoins. C'est C'était aux alentours de 17h15. Un homme au chandail vert est entré dans le jardin d'enfants. Il s'est approché du toboggan. Deux mots chuchotés à l'oreille, il a pris Eric dans ses bras, puis il est reparti en courant. Plus loin, une Peugeot 403 noire les attendait. Elle a démarré en trombe. Le vieux jardinier du golf l'avait d'ailleurs trouvé suspecte, cette voiture mal garée. Et il en témoigne au micro des premiers journalistes dépêchés sur place. Ben, je vous dis, j'ai vu arriver la voiture, j'étais en train d'arroser. La voiture des ravisseurs? La voiture, probablement, oui. Je suppose, parce que je ne les ai pas vus repartir. Bon, alors recommençons dans le temps, vous les avez vus arriver dans une voiture de couleur noire, je crois. C'est ça, ils étaient deux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils sont arrivés? Écoutez, ils se sont arrêtés sous le cèdre qui est là en bas. Alors à ce moment-là, je croyais que c'était le propriétaire, n'est-ce pas? Je m'en suis pas préoccupé tout de suite, je suis remonté chez nous. À ce moment-là, j'ai vu la dame en s'en passant. Vous avez vu la nurse qui était affolée? C'est ça qui était affolée. Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Alors c'est là qu'elle me dit, en s'en passant, qu'elle cherchait l'enfant. Alors on appelait l'enfant dans le terrain. Puis j'ai dit, tiens, mais la voiture n'est plus là. Est-ce que vous pourriez nous décrire ces deux hommes? Ça, c'est difficile. Vous savez, ils ont passé en trompe comme quelqu'un qui savait bien où ils allaient. Je sais qu'il y avait deux hommes. Par conséquent, vous êtes sûr qu'ils étaient... S'il y en avait davantage, il fallait qu'ils soient couchés dans la voiture. Là. L'affaire s'annonce énorme. Un rapt d'enfants. Et pas n'importe lequel. Non, Éric Peugeot, petit-fils du grand patron de l'automobile français, symbole d'une époque. Nous sommes en 1960, rappelons-le. La France dit au revoir aux ânes noirs et plonge euphorique dans le grand bain de la consommation. C'est le début de ce qu'on appelait les 30 Glorieuses. En 5 ans, la firme Peugeot multiplie par 2 son chiffre d'affaires, notamment avec la 403. 20 000 employés, 200 000 voitures par an. La famille Peugeot devient l'emblème de la réussite à la française, une dynastie secrète et très riche. Le petit Éric Peugeot, 4 ans, n'a donc pas été choisi au hasard. Mais c'est surtout la méthode qui est inédite. Dans les journaux, tout le monde parle déjà de ce crime à l'américaine, si rare en France qu'il n'existe qu'un mot anglais d'ailleurs pour le définir, le kidnapping. On se souvient alors de la tragique affaire du bébé Lindbergh. 28 ans plus tôt, en 1932, le fils du célèbre aviateur est enlevé dans la maison de ses parents. Il sera retrouvé mort 2 mois plus tard, malgré la rançon payée, $50 000. C'est l'un des crimes les plus médiatisés du XXe siècle. Alors, en ce soir du 12 avril 1960, ici en France, quelques heures après l'enlèvement du petit Éric, les journalistes font déjà le pied de grue au 170 de l'avenue Victor Hugo, Paris 16e, domicile de la famille Peugeot. Sur le perron, face aux journalistes qui font à la fois les questions et les réponses, la gouvernante décrit l'enfant. Enfin, pas très haut. Enfin, pas très haut. Oui, écoutez, je peux pas... 4 ans, 4 ans et demi, 4... enfin, faites-nous un petit portrait physique. Comment Joufflu, rayonnant, blond. Avec des yeux bleus? Des yeux bleus. Hein. Très, très, très gentil, au possible. C'était mon préféré. Alors, vous croyez vraiment qu'il aurait pu aller avec des gens qu'il ne connaissait pas? Il n'aurait rien dit? Écoutez, ça, là-dessus, je ne peux rien vous dire. Hein, parce que je n'ai jamais vu ce petit au contact de personnes étrangères. Oui, parce que tous les jours, il était emmené. Il était promené, il était promené par la nurse, c'est le chauffeur. Qui l'emmenait au golfe de Saint-Cloud. C'était leur lieu de promenade pour... Oh, tous les jours, on peut dire. Hein. À l'intérieur de la demeure des Peugeot, noyés sous les larmes et la panique, le salon Louis XV est transformé en QG de crise. Le père, Roland, expose ses conditions au commissaire Pierangeli. Il négociera seul, paiera la rançon sans condition et récupérera son fils vivant. Après, la police fera bien ce qu'elle voudra. Monsieur Peugeot accepte cependant que son téléphone soit mis sur écoute. Premier appel à 23h. À l'autre bout du fil, la voix d'un homme qui répète « Vous connaissez la rançon, 50 millions de francs pour que l'enfant soit rendu. L'équivalent aujourd'hui de 75 millions d'euros. » Le lendemain matin, ça sonne à nouveau. L'échange est bref, trop bref. Pour localiser l'appel, la technologie balbutiante à cette époque ne le permet pas. Au fil de cette première journée d'angoisse, les ravisseurs appelleront 6 fois, distillant leurs exigences au compte-gouttes. 50 millions d'anciens francs, en billets usagés, portant des numéros isolés, placés dans une mallette. Lieu de rendez-vous et mot de passe, communiqué plus tard. Voilà, la vie de la famille est suspendue à un fil. Tandis que les soirs des beaux quartiers, eux, sont désespérément vides, la France a peur. le soir même. Le 13 avril 1960, Roland Peugeot fait une déclaration télévisée. Il s'adresse directement au ravisseur. C'est un père à qui l'on vient de prendre son enfant qui s'adresse à vous. Tous ceux qui ont des enfants et qui les aiment me comprendront, j'en suis sûr. Mon seul souci est de le retrouver sain et sauf le plus tôt possible. Je n'ai pas déposé de plainte. Je prends l'engagement formel de demander que le ravisseur ne soit pas poursuivi. Le lendemain, dans le courrier, une deuxième lettre, toujours dactylographiée à l'encre rouge, toujours aussi exceptionnellement urgente, est adressée à Roland Peugeot. Les ravisseurs ont visiblement bien reçu le message télévisé. L'échange est prévu pour aujourd'hui. À 16h, le père de famille devra se présenter seul devant le passage d'Oisy, Paris 17e, coiffé d'un chapeau et de lunettes noires. Malin. La double entrée du passage d'Oisy permet en effet de se volatiliser entre la ville d'Éterne et la rue d'Amarillé. À croire que les ravisseurs sont allés au cinéma récemment et qu'ils ont vu le nouveau film de Claude Sauté, Classe Touriste, qui utilise justement ce raccourci. Jeudi 14 avril, 16h. Tremblant, Roland Peugeot tient sa valise remplie de billets, d'os immeubles. Un homme arrive à sa hauteur, lui chuchote le mot de passe, laisse la clé. Les billets changent de main. Roland jette un regard furtif à l'inconnu de malheur. L'homme est de grande taille, 20-25 ans, visage pâle, bien rasé, genre Belmondo. Maintenant, il faut attendre. Quelques heures plus tard, le téléphone sonne une dernière fois dans la demeure des Peugeot. Vous avez été correct avec nous, nous le serons avec vous. Les heures passent, la vie s'arrête. À 1h du matin, non loin de là, un homme aperçoit un enfant seul, pleurant sur le trottoir de la rue Poincaré. Il reconnaît immédiatement le petit Éric Peugeot. Depuis 2 jours, les Français ne connaissent que lui, son visage rond et ses mèches blondes. Au café Brazza, juste à côté, les derniers clients s'occupent du gamin en attendant l'arrivée de la police. Et pas de blague, hein, c'est la 15e fois qu'on leur fait le coup aujourd'hui. Mais ce sera la dernière. C'est bien le petit Éric qui est là, sain et sauf. Au Brazza, on n'en revient toujours pas. Nous étions prêts à fermer. Alors, un monsieur rentre au café comme un client. On ne voyait même pas le petit bambin qui se trouvait devant le comptoir, puisqu'il n'était pas si haut que le comptoir. On lui a demandé des renseignements, si on avait été méchant avec lui. Alors, il nous a dit non. On lui a demandé si on l'avait déposé en voiture. Oui. Comme un gosse de 4 ans, il ne nous parlait pas beaucoup, bien sûr. Juste oui ou non. Au commissariat, l'enfant de 4 ans répond aux questions des policiers, enfin, comme le peut le faire un gamin de 4 ans. Dans la voiture, le jour de son enlèvement, il se souvient tout de même d'un mouchoir et d'une odeur de menthe. Il se réveille allongé dans un lit, sans drap, au rez-de-chaussée d'une maison sombre, entouré de 2 hommes. Où ils ont été très gentils avec lui, ils ont joué aux cartes, regardé la télé, mangé énormément de chocolat. C'est des amis, finira-t-il par dire. 1 heure plus tard, Roland Peugeot ramène son fils à la maison. Dehors, les badauds applaudissent. Le lendemain, toute la presse française affiche en une le sourire ému d'une famille réunie. « On a retrouvé Eric !» s'exclame Paris Jour. 2 pages plus loin, on spécule déjà sur les suites de l'enquête. Quels éléments la police possède-t-elle? Quelle est la personnalité des ravisseurs? Qu'ont-ils fait de la rançon? Pour les enquêteurs, c'est maintenant que l'énigme commence. Les pistes sont minces, mais les moyens mis en œuvre sont gigantesques. Comme l'explique le journaliste de Paris vous parle, le 15 avril 1960. 30 000 policiers sont lancés aux trousses des ravisseurs. Tout le service de police judiciaire de la métropole, tous les postes frontiers et douaniers, toutes les compagnies de CRS, 600 commissariats, 3 500 brigades de gendarmerie ont été touchés dès la mise en marche du service d'émetteurs du ministère de l'Intérieur. En tout donc, 30 000 policiers lancés aux trousses des gangsters. Dans la lutte contre le banditisme, par son ampleur, c'est un appareil sans précédent dans les annales policières. Mais quels sont actuellement les indices, les rares indices sans doute dont peut disposer la police? Eh bien les voici. Premièrement, un sac de bonbons, un paquet de journaux lancé d'une voiture est trouvé sur la route de Saint-Cloud. Deuxièmement, des déclarations de témoins ayant vu la voiture des bandits prendre cette direction. Troisièmement, les indications fournies par l'enfant. À cet âge, on observe des choses qui échappent aux grandes personnes. Quatrièmement, le signalement des kidnappeurs. Quatre jours plus tard, le 19 avril 60, le commissaire Pierangeli est bien obligé de reconnaître que jusqu'ici, ces hommes n'ont obtenu que peu de résultats. Et pour cause. Le juge Renard, chargé de l'instruction, relit les lettres écrites à l'encre rouge. Alors, eh bien, l'homme qui a écrit cette missive est instruit, c'est certain. Pour le reste, pas grand-chose. Le flou, pendant des mois. Et puis alors tout le monde s'en mêle. À l'occasion d'une visite parisienne, par exemple, Edgar Hoover, patron aussi mythique qu'inquiétant du FBI, qui avait conduit l'enquête du bébé Lindbergh, dit au commissaire péremptoire, faites pas d'illusions, vous ne les retrouverez jamais. De fait, presque un an plus tard, on y est encore. Où en est l'enquête? Elle se poursuit, répondent des responsables. Tu parles. Elle piétine, oui, pensent les Français. Et les autres, au-delà des frontières, qui ne se lassent pas de cette histoire. Alger a beau être au bord de la guerre civile, le nouveau franc peut bien faire des siennes. Il n'y en a que pour le petit Eric, photographié dans les bras de ses parents, dans sa chambre, dans son bain, au milieu de ses jouets. Il est devenu un peu le gamin de tous, l'incarnation d'une peur nouvelle, celle du kidnapping. À la radio, on débat sur l'insécurité dans laquelle désormais vit le pays, et à la télé, on en fait même l'expérience. Dans l'émission de RTF 5 colonnes à la une du 6 mai 60, des reporters suivis en caméra cachée abordent des gosses dans les squares parisiens et les font grimper sans la moindre difficulté à l'arrière d'une camionnette. Impensable aujourd'hui. Démonstration avec accord préalable des parents, tout de même. Éric Peugeot. Vous connaissez tous ce drame. Et tous, toutes, vous vous êtes demandé à propos de l'enlèvement et mon enfant à moi. Est-ce qu'il aurait suivi un inconnu? Pour le savoir, nous avons enlevé des enfants dans les jardins publics de Paris. Comment tu t'appelles? Florence. Florence, tu fais des beaux tas de sable? Hein? Tu es avec qui là au parc Monceau? Je suis allée là-bas, ma maman. Que eh bien viens, on va aller tous les deux là-bas dans un endroit qui est beaucoup plus beau. Viens voir. Hein? Et si je t'emmène, qu'est-ce que tu crois? Hein? Tu crieras? Tiens, on va essayer. Tiens, allez, je t'emmène. Allez, viens. Allez. Comment il t'appelle? Tu veux bien comme ça? Tu veux bien, je te le donne? Faut qu'on aille le chercher là-bas, à la voiture. Tu veux bien? Tu veux bien? Allez, on y va. Viens vite, on y va tous les deux. Fin novembre 1960, 9 mois après l'enlèvement et la restitution du petit Éric, une note d'Interpol atterrit sur le bureau du commissaire Guy Denis, qui reprend l'affaire. Deux hommes, Raymond Roland et Pierre Larcher, sont mentionnés sous la rubrique « Train de vie tapageur » à surveiller. Depuis avril, les deux compères, officiellement revendeurs de jukebox, dépensent à tout va un peu partout en Europe. Voiture de sport, palace, casino, billets d'avion jamais utilisés. Le premier, Raymond Roland, dit Roland de Beaufort, 24 ans, est inconnu des services de police. Pierre Larcher, en revanche, 38 ans, est recherché depuis un an et demi pour tentative d'extorsion de fonds et violence. Depuis, il avait disparu avant de refaire surface à l'époque du rapt, semble-t-il. Dans l'ombre, la mécanique policière se met en place. Nom des suspects sous le bras, on envoie des indiques planqués au bar pour écouter les conversations de comptoir. D'autres poussent la porte d'une parfumerie du quartier de l'Opéra où travaille Ginette, l'ex-femme de Raymond Roland. En réalité, les enquêteurs n'attendent pas grand-chose de cette note d'Interpol. 100 fois, ils ont retracé le déroulement des événements, mais tout ce dont ils disposent, c'est de 2 lettres dactylographiées à l'encre rouge, 50 millions dans la nature et le récit parcellaire d'un enfant de 4 ans. Mais voilà que Ginette évoque sa machine à écrire. Et là, les enquêteurs se redressent. La dernière fois que Roland, son ex-mari, est venu la voir, il y a un peu moins d'un an, c'était pour lui emprunter son Hermès S2000, machine à écrire, qu'il s'est bien gardé de lui rendre. En fouillant ses tiroirs, Ginette tend aux enquêteurs d'anciennes étiquettes de jukebox tapées du temps de son mariage. Les experts mécanographes les confrontent aux 2 lettres de rançon. L'échappement de 2,5 mm, les caractères de type élite, les marques d'usure et les anomalies d'orientation de certaines lettres, l'expert affirme, prudemment, mais affirme quand même que ce pourrait bien être la machine utilisée par les ravisseurs. En ce mois de mars 61, ils ne sont d'ailleurs pas compliqués à localiser. Depuis 2 semaines, Larcher et Roland flambent leur nuit blanche à Megève, entourés de jolies filles, chèques signés de leurs mains, ivres d'insouciance. Il n'y a plus qu'à les cueillir. Dimanche, 5 mars, à 7h30 du matin, ils sont arrêtés dans leur joli chalet de location appelé les 6 enfants. Ça ne s'invente pas. Bref, Hiver au balcon était en prison. Oui, madame, c'était moi, le roi du baccarat. Il y a 10 ans, à Menton, votre chauffeur a raison, me embellit ce soir-là. À flirter avec moi, je crois qu'au casino, on n'a pas fait plus beau. Que les 8, que les 9, ça va vite et son bluff. Tout sûrement que j'ai gagné, et la banque a sauté. Fallait voir sur la table ce drap noir délectable. Au revoir et merci, la grande vie, c'est la grande vie. Oui, madame, c'était moi. À Cannes, une autre fois, le 17, des chevaux, finale 7 et 0, 0 plein, 4 fois, ça j'y tiens, c'était moi. Messieurs, à la dernière, faites vos jeux, tout au tiers. Oui, madame, c'était moi, toutes ces femmes, tous ces rois, tous ces princes perdus, tous ces rien ne va plus, ces cousins demi nus. Qui piquait dans ma caisse, c'est piqué, ces princesses, tous ces tristes battus. Oui, c'était ça, mes amis, c'était ça, mes amours, sur mon âme et ma vie. Oui, madame, c'est toujours quand on a de l'argent que l'on a tous ces gens. Mais à la dernière plaque, on s'en va, on vous plaque. Alors j'ai voyagé. Le 17 m'a boudé, les recettes ont flanché, et la fête s'est gâchée. J'ai signé, pourquoi pas, mon premier chèque en bois. Interdit de partout, j'atterris comme ça chez vous. Ah, que madame m'ait connue, c'est bien vrai, d'autant plus que le 17 au Carlton, que madame me pardonne, au mois d'août, c'était doux. C'était fou, c'était nous. Mais je vois que madame n'a plus besoin de moi. Si madame le permet, je vais prendre congé. Que madame me pardonne le 17 au Carlton. C'est fini. Après une enquête qui aura duré 329 jours, l'affaire Peugeot a trouvé son dénouement. Les policiers ont amené à Paris Raymond Roland et le reste de la bande. La blonde Ingelis Bodin qui cachait son visage et Roland Niemezik enfoui sous son imperméable. Visage découvert, Pierre Larcher, le dur et sans doute l'organisateur du rapt, et Jean-Simon Rotman, l'étudiant qui prétend ignorer la provenance de l'argent. Ravisseurs et complices, tous sont sous clé. Les enquêteurs peuvent maintenant reconstituer les détails du rapt du petit Eric, qu'on voit ici rendu à ses parents après la remise des 50 millions. Si l'on connaissait les détails de l'enlèvement, l'arrivée du ravisseur par une brèche dans la haie au golfe de Saint-Cloud, où l'enfant jouait tous les jours, on sait maintenant que c'est dans cette maison retirée des pieds russes qu'Eric a été séquestré. Dimanche 5 mars 1961. 11 mois après l'enlèvement et la restitution du petit Eric Peugeot, ses ravisseurs sont enfin arrêtés, trahis par la machine à écrire dont ils s'étaient servis pour leur lettre de rançon. Entre-temps, Raymond Roland et Pierre Larcher avaient parcouru l'Europe mondaine, écumé les soirées parisiennes et dormi dans les plus beaux hôtels. Ils devaient passer l'hiver dans un chalet cossu de Megève, avec leur dulcinée, Lise Baudin, l'amie de Roland, accessoirement Miss Danemark à la beauté renversante, et Roland Niemetchik, la promise de Larcher. Un étudiant en médecine et une jolie stripteaseuse complètent la joyeuse équipe. Embarqués au commissariat d'Annecy, les interrogatoires durent des heures. Les dames et l'étudiant sont rapidement mis hors de cause, ignorant visiblement la provenance de cet argent facile. Roland, lui, craque le jour même, Larcher un peu plus tard. À 38 ans, le beau Serge, comme on le surnomme, a déjà passé quelques années en prison. Intelligent et astucieux, il se rêvait grand bandit. Roland, c'est autre chose. Garçon de 24 ans, rapatrié d'Algérie, un tantinet mythomane, bagou genre nouvelle vague. Ces deux-là se rencontrent quelques mois avant le rapt, réunis autour d'une sombre affaire de trafic de jukebox. Oh, ils n'ont rien en commun. À part des origines bretonnes, pas un sou, mais beaucoup d'idées. Celles de l'archer tiennent dans un livre de la collection Série Noire de Gallimard, Rapt, écrit par l'américain Lionel White. Un polar inspiré par l'enlèvement du bébé Lindbergh, lu et relu jusqu'à le connaître par cœur. Y a qu'à faire pareil, propose-t-il à Roland. Oui, enlever un gosse de riche et demander du fric. Car Roland rêve de paillettes, de réussite et d'épouser, surtout épouser la plus belle fille du Danemark, Lise Baudin. Elle a 19 ans, il en est fou. Alors il accepte l'idée du rapt. L'archer jubile. Pour lui, le kidnapping, c'est une vieille obsession. D'ailleurs, un an et demi avant l'enlèvement d'Éric, il avait déjà menacé le fils d'un certain Pierre Léniaud. Aujourd'hui, face aux enquêteurs, il doit aussi répondre de ce passé-là. Explication sur Interactualité, le 12 avril 1961. Du palais de justice, Robert Cario nous a téléphoné pour nous dire que la confrontation qui doit avoir lieu demain dans l'affaire Peugeot aura de l'importance. Il s'agit à la vérité, non point de l'affaire Peugeot elle-même, mais de cette sombre histoire de billard électrique et de chantage compliquée de menaces d'enlèvement dont fut victime un certain monsieur Léniaud. Ce monsieur Léniaud devait de l'argent à l'archer. Il refusait de le payer. L'archer, avec un homme de main nommé Laradi, roi de coups son débiteur. Il le menaça aussi, s'il n'était pas payé, de lui enlever son fils. Demain, on confrontera tous ces gens. Monsieur Léniaud, la victime, l'archer, Laradi et aussi Roland. Après quoi, le juge Renard confrontera l'archer et Roland avec la nurse, la femme de chambre et le chauffeur des Peugeot. Et aussi avec l'employé du golfe de Saint-Cloud qui vit les bandits avant l'enlèvement. Le juge Renard en aura ainsi terminé avec la première phase de son information sur les préparatifs du rapt. Et cette fois, le scénario sera suivi à la lettre. L'archer Roland parcourt le bottin mondain, épilogue des heures avant d'arrêter leur choix sur Éric Peugeot, 4 ans. Ensuite, il note les habitudes de la famille, ces fameux après-midi au golfe de Saint-Cloud. Le montant de la rançon, disons 30 millions? Non, 50, surenchérit Roland. Bah oui, quitte à prendre un risque, autant le prendre pour un gros paquet de fric. L'archer loue alors une maison isolée dans le Vexin, sur la route de Grisy-les-Plâtres, avant de recopier au mot près la lettre de rançon fictive écrite par Lionel White dans Rapt. Seuls les noms sont changés, dactylographié en rouge sur la machine de Ginette, l'ex-femme de l'archer. Voilà, le coup est prévu pour le 11 avril 1960. Mais arrivé devant le parc à jeu, Roland se dégonfle. Il est si mignon, le petit Eric. Bon, allez, le lendemain, il se ressaisit tout de même. Imbibe un coton de chloroforme, embarque l'enfant et le nourrit pendant 2 jours en attendant la mallette de billets. Après, ce sera la grande vie. Avec sa reine de beauté scandinave, le couple devient une figure fugace du tout Paris, enivré par ses rêves de richesse. Aujourd'hui, entre les quatre murs du commissariat d'Annecy, Roland se demande bien ce qu'il va devenir. Il a tellement peur d'être pauvre, et surtout d'être personne. Les journaux, eux, reprennent leur tirage là où ils les avaient laissés. Après, Éric a disparu, Éric est retrouvé, l'enquête s'enlise, on peut enfin lire en lettres noires et capitales le dénouement. Les autorités, elles, s'offusquent et se demandent publiquement comment l'époque a bien pu en arriver là. Enfin, aller chercher dans cette littérature malsaine de quoi alimenter les crimes de la réalité, on rêve. Alors, ces mêmes autorités exigent le retrait du livre, tandis que les librairies américaines y ajoutent un bandeau, le roman qui fit la une des journaux français le jour où la fiction devint réalité. Réédition prévue au premier jour du procès, qui s'ouvre le 29 octobre 1962 à Versailles. Ici Frédéric Potcher qui vous parle du palais de justice de Versailles. Dans quelques minutes, devant la cour d'assises de Seine-et-Oise présidée par M. Jacquinot, s'ouvrira le procès des deux ravisseurs du petit Éric Peugeot. Ce sont Pierre Larcher, 39 ans, né à Rennes, déjà condamné pour vol, et Raymond Roland, né à Sérignac dans les Côtes-du-Nord, typographe puis gérant d'une affaire bizarre de Jukes Box. Ces deux hommes se rencontrèrent dans un café. Ils y traînaient cette nostalgie particulière aux individus peu scrupuleux et dans la dèche. Mais Roland, assez belâtre, grand amateur de starlettes, de bars élégants et de belles voitures, entendait bien remonter le courant. Et c'est lui qui eut l'idée d'un rapt. Mais il fallait trouver, a-t-il dit, un gosse de riche pour qu'au moins l'opération fût rentable. À ce soir. Le procès, qui doit durer 3 jours, s'annonce grandiose. Le fait divers a fait couler plus d'encre que le plus beau des romans. Et puis les victimes sont riches et célèbres, et les avocats de la défense sont des ténors du barreau. Maître Floriot, qui défend Pierre Larcher, réussit même à faire pleurer son propre client en racontant sa jeunesse malheureuse. Oui, les 3 ans de prison dont il a écopé pour un vol de vélo. Maître Tixier-Vignancourt, lui, autre ténor, plaide pour Roland, le playboy désœuvré. Pour les Peugeot, il s'agit de faire taire les mauvaises langues. Car la récupération de l'argent avait semblé un moment suspect. Beaucoup ont pensé que la version officielle était trop belle pour être vraie. Enfin, de folles rumeurs résonnent encore dans le prétoire, exploitées bien sûr par les accusés. Après avoir tout confessé, l'archer parle désormais d'un mystérieux troisième homme qui aurait tout organisé sans jamais révéler son identité. Roland, lui, multiplie les scénarios et attribue carrément la perte d'identité du rap à une cousine éloignée des Peugeot, Colette, qui serait le mouton noir de la famille. Enfin, Baliverne répond à l'accusation. 31 octobre 1960, dernier jour du procès. Parmi les jurés, il y a ceux qui maudissent la dérive d'une jeunesse américanisée qui transforme leurs enfants en blousons noirs. Il y a celles aussi qui tremblent encore du danger qui menace la chair de leur chair. Roland et l'archer risquent perpète, leurs avocats le savent et se lancent dans des plaidoiries passionnées. Et Tixier-Vignancourt prend soin de dissocier le sort de son client Roland de celui de la tête pensante de ce duo improbable. Récit du chroniqueur judiciaire, l'incontournable Frédéric Potcher, au micro de RTF. Les deux accusés sont ainsi dissociés dans le crime, Maître Tixier-Vignancourt. Qui a dit d'acheter un bottin mondain, l'archer? Qui a voulu louer un immeuble à Épierru, l'archer? Qui est allé dire qu'il avait perdu les papiers de la voiture? C'est Roland, messieurs, le nigaud. Qui téléphone? Qui enlève l'enfant? Qui prend la rançon? C'est Roland. Qui a loué la voiture? C'est Roland. Mais qui n'a pas écrit les lettres? C'est Roland. Vous voyez, messieurs, que Roland n'a été qu'un exécutant. Un ahuri d'exécutant, il a une naïveté de délinquant, ce n'est pas un criminel. Autre point important pour la défense, Éric Peugeot s'est bien amusé avec Roland et avec l'archer. Il n'a pas gardé un souvenir désagréable de ses 57 heures de séquestration. Finalement, 20 ans de réclusion criminelle seront prononcés à l'encontre de l'archer Roland, dont les experts en psychiatrie diront toutefois qu'ils pourront se réinsérer dans la société. Il semble bien qu'ils aient eu raison. Libéré au bout de 12 et 14 ans, Roland finira par enseigner le droit et l'archer par travailler dans l'édition. Partout dans cette affaire, littérature et faits divers n'auront eu de cesse de s'entremêler. Et de cercle en cercle, elle finit par faire ressurgir tout un cortège d'étonnants protagonistes, symboles d'une époque. Des figures destinées à l'oubli, écrit l'auteur Bertrand Schaeffer, effacées par un temps qui, s'il n'est pas dans la nuit de l'histoire, est dans un clair-obscur ou mi-ombre, mi-lumière, comme ne sachant pas, ne parvenant pas à se déterminer. L'affaire Éric Peugeot ou les pouvoirs de la fiction sur le réel. Pin-up de Pigalle aux allures de Madone, contrebande de Chanel, perle poudre au coco, gangster, demoiselle, narco-chic et pipeau, spleen d'un soir de bal qui traîne ce fredon. Thank you. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'enlèvement du petit Éric Peugeot en 1960. Notre invité, l'écrivain Bertrand Schaeffer, bonjour. Bonjour. Dont le roman Série Noire, publié en août de cette année chez POL, revisite l'affaire de l'enlèvement d'Éric Peugeot. Bertrand Schaeffer, on dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Bon, c'est un peu éculé, un peu de tarte à la crème, même si c'est vrai. Il se peut que la fiction soit plus inventive que la réalité. Ça, c'est un deuxième cas de figure. Souvent, la réalité inspire la fiction. Nombre de films, de séries télévisées qui ont été faites à partir de faits divers, qui ont existé. Et voilà, le quatrième cas de figure, quand la fiction inspire la réalité, c'est bien ce qui s'est passé avec l'affaire d'Éric Peugeot. Alors pour les paresseux qui voudraient se contenter de la quatrième de couverture en lieu et place de la lecture du livre, c'est raté, parce que la quatrième de couvre, c'est juste une phrase. Ça dit, pour une fois, c'est le roman qui inspire le fait divers. Est-ce que c'est pour cette raison que vous vous êtes intéressé à cette histoire, au point d'en écrire un livre ? Oui, absolument. C'est-à-dire que quand je suis tombé un peu par hasard, disons, sur cette histoire, d'abord j'ai eu une vue en coupe de l'époque qui était absolument faramineuse, quoi. Tous les éléments étaient réunis pour raconter cette époque. D'ailleurs, on l'entend même à travers le récit, à travers les archives, on entend effectivement les années 60, les codes des années 60, tous la façon de parler des années 60 et des journalistes et de monsieur, madame, tout le monde et puis tout le monde, quoi. Et là, le milieu artistique est convoqué d'une certaine façon. Et quand j'ai découvert que le fait divers avait été inspiré d'un livre, je me suis dit, en tant qu'auteur, c'est une chose à côté de laquelle on peut pas passer. Mmh. Ça arrive trop rarement d'une certaine façon, et du coup, ça rappelle aussi la puissance de la littérature, la puissance des livres et leur impact sur le réel. C'est-à-dire qu'à la fois les livres sont un miroir de cette réalité. Et à un moment donné, quand la réalité s'essouffle d'une certaine façon, c'est un peu ce qui s'est passé ici. Eh bien, le livre vient redonner en quelque sorte de l'énergie et de la force. Et on voit au début des années 60, parce que c'est pas tout à fait un hasard que ce tandem étrange de Roland et Larcher se penche sur ce livre, c'est que les cinéastes de leur âge, exactement à la même époque, font exactement la même chose. Mmh. C'est-à-dire François Truffaut, c'est-à-dire Claude Sautet, c'est-à-dire Jean-Luc Godard, vont eux aussi chercher exactement dans ces livres-là, les livres de la série noire publiés par Duhamel chez Gallimard, vont chercher une nouvelle inspiration pour raconter leur époque. Ouais. Qui est en train de changer. Truman Capote nous avait enseigné ça, hein, la fusion entre la réalité et le fait et la fiction, mais dans le sens inverse. Enfin, c'est dans le sens inverse. Lui, il avait repris cette affaire dans le sens inverse. Froid, n'empêche qu'il y avait un rapport qui était intéressant, un rapport littéraire qui était intéressant entre les deux. Alors, votre livre commence par la 13e édition du Festival de Cannes. Je rappelle que vous êtes cinéaste aussi, hein. Oui. Bon. Et le désastre de la projection de L'Aventura d'Antonioni. Pourquoi ce choix? C'est aussi un rappel à ce que vous êtes aussi un cinéaste? Alors, le choix d'abord parce que ce 13e festival de Cannes... Pardon, je rappelle que L'Aventura est une sorte de faux film policier qui souffre sur une disparition. Hein. Voilà, c'est un film extrêmement important dans l'histoire du cinéma, donc de Michelangelo Antonioni, de 60, qui est ce qu'il appelle un giallo in reverso en italien, c'est-à-dire une série noire à l'envers. Ça commence comme un film policier, et puis au bout d'un moment, ça se déconstruit, ça se défait, et l'intrigue, littéralement, sous nos yeux, disparaît. Donc c'est un peu l'invention d'une espèce de nouveau cinéma, très contemporain, même un peu avant-gardiste, on peut dire. Et à ce 13e festival de Cannes, présidé lui par Georges Simenon, qui est le maître du roman policier, qui va finalement récompenser aussi L'Aventura, le faux film policier, donc tout ça est assez beau. En même temps, on trouve Fellini, qui a la Palme d'Or avec La Dolce Vita, on trouve des films de Bergman, on trouve Ben-Hur, etc., la même année au festival de Cannes. Donc là aussi, on a une vision global d'un coup, en quelque sorte, de toute l'époque et de toutes les représentations artistiques possibles de l'époque. Et ça me semblait assez bien d'ouvrir par ça. Mais cela dit, il y a une autre raison à ça, c'est que, et ça m'a fasciné complètement, et ça a été aussi sans doute l'un des moteurs qui m'a donné envie d'écrire ça, c'est que en fouillant dans les archives, en reconstituant la chronologie des ravisseurs pendant leur cavale, au fond, parce que c'est une cavale invisible, c'est-à-dire qu'ils sont pas directement poursuivis, on sait pas que c'est eux, mais pourtant, ils sont censés se cacher, puisque, comme on l'a entendu dans les documents, il y a 30 000 policiers qui sont mobilisés pour essayer de les coincer. Bon, et qu'est-ce qu'ils font ? Un mois après, donc le 13 avril 60, 12 avril 60, enlèvement d'Éric Peugeot, 15 mai 1960, Festival de Cannes. Et où sont nos ravisseurs, non pas du tout planqués, non pas du tout même sur une île déserte à l'autre bout du monde. C'est vrai que c'est pas une cavale. Ils sont au Festival de Cannes, c'est-à-dire à l'endroit où, globalement, il y a le plus de photographes, le plus de journalistes, le plus de policiers, de services d'ordre, c'est-à-dire un endroit hyper exposé. Même, c'est plus que surexposé, c'est un endroit hyper exposé. Et donc c'est là qu'ils sont, pour que Raymond Roland puisse réaliser les désirs de cinéma de sa douce Miss Danemark. Ah oui, on va en parler de Miss Danemark, parce qu'il y a, un lien avec vous. Je ne sais pas si vous croyez au signe ou au hasard. Enfin bon, Éric Peugeot n'a évoqué cette histoire qu'une seule fois, je crois, dans les médias, pour dire justement qu'il n'en parlerait plus jamais. Vous l'avez rencontré ? Vous l'avez contacté ? Non, j'ai essayé de me cantonner à... Disons à cette époque-là, je voulais vraiment reconstruire, reconstituer totalement les choses de cette époque plutôt que, disons, mener une enquête de témoignage. Oui. C'était plutôt une enquête de reconstitution. Et comme de toute façon, je savais qu'il ne s'exprimerait pas, voilà. Je voulais rester avec mes personnages, d'une certaine façon. Alors on revient à, j'ose pas dire la fiction, réalité, réalité-fiction. Vous vous souvenez, qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire. Oui, c'est Anna Karina, dans le métro. Dans Pierrot le Fou. Ouais, dans Pierrot le Fou. Ouais. Bon, parce que, alors elle est compatriote danoise de Lisbonne, l'amoureuse de Roland, et plus étonnant, le sulfureux cinéaste américain Kenneth Anger. Vous nous racontez ce monsieur ? Il est bizarre. Ah oui, alors on m'a fortement déconseillé de le rencontrer. mon éditeur à l'époque était prêt à me payer le voyage à Los Angeles pour que je puisse aller rencontrer Kenneth Anger. Et puis beaucoup de gens m'ont dit non, c'est pas la peine, il est vraiment très très bizarre. C'est devenu une sorte de mage sataniste très très étrange. Et je suis pas sûr complètement digne de foi. C'est-à-dire que là je serais encore retombé, dans des spirales de fiction avec des mensonges qui se seraient... Ouais, point trop d'en faux, quoi. Voilà, point trop d'en faux. Bon, d'accord. Ce qui était important, c'était son témoignage, lui, à l'époque, parce que, effectivement, la chose la plus hallucinante, finalement, de cette affaire, qui donc s'est inspirée d'un livre, qui a été même modélisé, parce qu'on parlait tout à l'heure de Claude Sauté et de Classe Tourisque, la meilleure façon de décrire ce tandem, Larcher et Roland, c'est de penser à Ventura et Belmondo. Larcher, c'est Lino Ventura. Et Raymond Roland, c'est Jean-Paul Belmondo. Et ça, c'est-à-dire qu'il y a un vieux... C'est Classe Tourisque, ça nous renvoie à Classe Tourisque. Ça nous renvoie à Classe Tourisque. C'est ça, hein. C'est les deux héros de Classe Tourisque, dont ils se sont donc inspirés pour la mise en place, en fait, de la remise de la rançon, mais aussi, en fait, pour les personnages du film. C'est eux. C'est exactement eux. Il y a le type, un peu le dur, un peu taiseux, un peu carré, un peu ancien boxeur, qui est Larcher, Ventura. Absolument. Et le jeune qui a du bagou. Belmondo, on l'a dit dans le récit, d'ailleurs. Voilà, c'est ça, qui emballe toutes les films. Ouais. Etc. Et donc la meilleure façon de les imaginer, de les voir, c'est de penser à eux. Donc le cinéma est là, déjà, et puis on va se rendre compte à la fin, et ça c'est complètement ahurissant, que l'argent, mais on s'en rendra compte des années plus tard en fait, que l'argent aura servi à commencer à produire un film. Bien. Ça sert à une histoire de boucle, hein. Ah, c'est vraiment une boucle. Ça boucle tout le temps. Alors, c'est pas l'essentiel, mais dans les années 60, il y avait des procès, comme aujourd'hui, évidemment. Et puis, il y avait des chroniqueurs judiciaires. Alors, il y avait ce fameux Frédéric Potcher. Alors, on a un peu souri dans le studio en l'écoutant, parce qu'on s'est dit, bon, c'est la voix d'un monsieur qui témoigne d'un passé, d'années lointaines. Et bien, moi, je vous dis, on s'en lasse pas de Frédéric Potcher. Et parce qu'on s'en lasse pas, on va encore l'écouter dans une archive datée du 29 octobre 1962, jour de l'ouverture du procès des ravisseurs d'Éric Peugeot. Le président, est-ce que tout ce qu'a dit Roland est exact ? Larcher répondait, Larcher haussant les épaules. Mais non, monsieur le président, mais depuis le début, tout ce qu'il dit, c'est faux. À la fin de son récit, Roland fait étalage de ses scrupules, de ses atermoiements, pour retarder toujours, pour remettre toujours au lendemain le rap de l'enfant. Mais voilà, Lise Baudin, qui l'aime, de Copenhague, lui téléphone. Elle a eu un accident d'auto, elle n'avait pas de permis de conduire, la voiture a été saisie et il faut payer une amende qui s'élève à près d'un million d'anciens francs. Et voilà, Roland, pensant à celle qu'il aime, a besoin d'argent. Et c'est ainsi, dit-il, qu'il trouvera la force d'appeler dans le golfe de Saint-Cloud d'appeler par son prénom le petit Peugeot qui joue dans le sable. C'est formidable quand même parce que, bon, c'est un petit détour dans le sujet, mais le chroniqueur judiciaire, ça peut être aussi un homme de théâtre. Il est là, comme on ne peut pas filmer un procès, bah, il nous faut des chroniqueurs judiciaires qui sont en fait des hommes de théâtre et qui disent, eh, monsieur le président, qu'avez-vous dit? Non, je réponds. C'est formidable ça quand même, non? Oui, c'est très beau parce que là aussi, en plus, c'est rejoué, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une première scène, puisqu'on sait que dans les procès, il y a quelque chose quand même d'extrêmement théâtral, dans les plaidoiries notamment. Et quelqu'un est en charge de la refaire après au micro pour les médias. Bien, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Jean Siegfried. J'habite du mauvais côté. J'habite du mauvais côté, celui de l'ombre verte. Et tous les soirs, je viens rêver devant les ombres. Car ceux de la maison d'en face ont du soleil à volonté. Car ceux de la maison d'en face ont tout ce que je désirais. Y a qu'une rue qui nous sépare, mais large comme un océan. Et y a des jours où j'en ai marre, où je voudrais changer de camp. De ma fenêtre je les vois vivre mon rêve sans pudeur et laisser s'échapper leur joie qui viennent me frapper le cœur. J'habite du mauvais côté. J'habite du mauvais côté, celui de l'ombre. Et tous les soirs, je vois bouger les mêmes ombres. Car ceux de la maison d'en face ont du soleil à dépenser. Car ceux de la maison d'en face ont tout ce que je désirais. Il y a une femme si jolie, et puis un gars très distingué, et je donnerais bien ma vie pour être un peu de leur côté. Le jour n'a jamais vu la nuit, Paris n'a jamais vu la mer. Ça me console et ça m'ennuie, mais ça me rend parfois. J'habite du mauvais côté. Affaire sensible, la disparition d'Éric Peugeot avec notre invité Bertrand Schaeffer, auteur du livre Série Noire, qui revient de façon tout à fait originale et personnelle sur cet enlèvement. Et je voudrais, si vous me le permettez, Bertrand Schaeffer, lire un extrait de votre livre, page 160, en y mettant des formes et de la prudence, car l'oralité de votre texte est pas facile. Mais justement, c'est ce qui fait que c'est intéressant. Notre enquête se tient sur un seuil où on est mal à l'aise. Qui nous fait dire aujourd'hui « ce n'est rien, nous en avons vu tellement davantage de puits, de plus rouges, de plus noirs, de plus certainement innommables. Nous avons même oublié tout ce que nous avons vu et ingurgité de faits réels et divers, horribles, qui nourrissaient on ne sait plus bien quoi, lorsqu'on s'est mis à parler de fiction, de réalité, à tour de bras, sans savoir ce qu'on disait, pour nous empêcher de voir, de penser, mélangeant tout, plus malléable désormais que nous étions devenus. » Ce sera donc aussi l'histoire de la disparition d'un événement. Moi, j'aime bien cette phrase. Qu'est-ce que vous voulez nous dire dans l'histoire de la disparition d'un événement ? Disons que ce qui m'a beaucoup fasciné aussi dans cette affaire qui a eu autant de retentissement, c'est ce qu'on a un petit peu du mal à mesurer aujourd'hui, à quel point ça représente même dans l'histoire des médias quelque chose d'énorme. L'affaire Éric Peugeot, elle a été surmédiatisée la première fois, des télévisions directes, etc. Aujourd'hui, elle est complètement oubliée. Pourquoi elle est complètement oubliée. Presque avec l'émission de Presque complètement oubliée. À cause de son absence, finalement, de violence. Mmh. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme, bien heureusement. Et parce qu'elle a été, en quelque sorte, le dernier moment, un peu encore, un peu calme, disons, avant le déferlement, à partir des années 60, de tous les faits divers les plus monstrueux qu'on puisse imaginer. Notamment d'autres affaires de kidnapping qui tournaient très mal, de l'apparition du terrorisme, de l'apparition des serial killers, qui étaient des choses qu'on connaissait pas trop non plus avant. Donc c'est comme une chose qui brillerait en quelque sorte d'un dernier éclat, parce qu'il restait encore à l'intérieur peut-être un peu d'innocence à l'intérieur de ce fait divers qui a dû être évidemment extrêmement traumatisant pour Éric Peugeot. Mais malgré tout, entre ce qu'il dit sur le fait qu'il s'était bien entendu avec les ravisseurs... Il a été bien traité d'ailleurs. Il a été bien traité. Oui. Pas très bien, parce qu'on n'est jamais bien traité quand on est enlevé. Il a été rendu immédiatement, etc. Quand on voit ça, la terreur qui s'est emparée des gens à ce moment-là, et si on se retourne 30 secondes derrière et qu'on voit tout ce qui est arrivé depuis, jusque là, ces dernières années, enfin, où on a quand même avalé un certain nombre de choses et pris un certain nombre de coups sur le coin du crâne, en termes de faits divers et d'atrocités terroristes, que ça paraît presque irréel, en quelque sorte. Un événement de ce type-là. Et que, du coup, il s'est presque un petit peu dissous, mais il est là aussi pour nous rappeler la violence absolue dans laquelle nous, on vit depuis 50 ans. Il y a une dimension importante aussi, c'est qu'il s'agissait d'un rapt et qu'on ne connaissait pas ça en France. On ne connaissait absolument pas. Ça, je Une onomastique particulière, là-dessus, parce qu'on disait kidnapping. Oui, j'avoue que j'ai découvert ça en m'intéressant à cette affaire. Je ne savais pas du tout que le kidnapping était une chose qui n'avait jamais eu lieu en France. Il y avait eu un précédent à Marseille dans les années 30, dont personne n'avait parlé. Sur le rapport de police de l'époque, de cette affaire-là, il y a marqué « rapt de mineur ».« Rapt du mineur, Éric Peugeot, golfe de Saint-Cloud, le 12 avril 1960 ». C'est le titre du rapport d'ensemble du commissaire Denis. Le mot « kidnapping » est arrivé après, avec la presse, etc. Alors, ce qui est très drôle, c'est que nous, on a emprunté un mot aux Américains, qui est « kidnapping », et les Américains, pour désigner ce fait divers-là, dans les journaux américains, parler de, entre guillemets, crime à la française. Toute dernière chose, vous croyez au hasard, aux signes? Je dis ça parce que vous vous appelez Bertrand Schaeffer, et cette belle Danoise dont on a parlé, racontez-moi la suite. Donc je cherchais évidemment à savoir ce qu'elle était devenue, ouais. Donc j'avais toujours les mêmes informations sur les années 60, et je me demandais ce qu'il était arrivé. Et en fait, j'ai découvert au fond d'une petite biographie danoise qu'elle s'était mariée entre-temps à un certain monsieur Schaeffer. Schaeffer, il y a juste un A. Il y a juste un A de différence entre les deux noms. Il nous faut nos petits hasards objectifs comme ça pour s'accrocher à nos sujets. Absolument. Merci infiniment Bertrand Schaeffer, Schaeffer, sans A. Merci d'être venu. Je vous en prie, merci à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le rapt d'Éric Peugeot, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles sur le site de France Inter pour toute information complémentaire à notre récit. Et merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui. À suivre sur France Inter, Antoine Decaune. Bonjour Antoine. Bonjour Fabrice. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter notre émission aujourd'hui, mais vous parlez du roman noir. Oui. On était dans le même thème, figurez-vous, c'est beau. Hein. Incroyable. Bon. En plus, c'est avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Aujourd'hui, là, avec vous? Jackie Schwartzman. Oh, mais oui, mais je le connais. Ah ben oui, je sais que vous le connaissez. Saluez-le de ma part. Il vous écoute. À tout de suite. Merci Fabrice. Antoine, au revoir.